Nadine chancela sous le choc et lâcha un juron retentissant. Confus, Laurent Villeneuve tendit la main vers elle, comme s'il redoutait de la voir s'écrouler. « Je suis navré, nous allions trop vite l'un et l'autre. » Ils s'étaient percutés au détour d'un couloir, trop pressés de vaquer à leurs activités. « Je file voir un de mes malades en chirurgie, » précisa-t-elle. Craignait-elle qu'il se demande pourquoi elle quittait précipitamment son étage ? L'idée faillit le faire sourire. Toutefois, il s'en abstint, connaissant son caractère. D'ailleurs, Nadine Clément pouvait bien se rendre où elle voulait, il s'en moquait éperdument. Elle était l'un des meilleurs patrons de l'hôpital, et la seule chose qui pouvait l'inquiéter la concernant était son âge. À 64 ans, elle semblait souvent épuisée, avec plutôt moins de souffle que la plupart de ses patients. Il s'effaça pour la laisser continuer sa route, et la suivit des yeux tandis qu'elle s'éloignait en hâte. Une femme brillante, mais qui prenait peu soin d'elle-même. Trop grosse parce qu'elle se nourrissait n'importe comment, jamais bien coiffée car elle se coupait les cheveux elle-même sans prendre la peine de les teindre, et vêtue avec ce qui devait lui tomber sous la main. Rien d'étonnant à ce qu'elle soit si agressive avec les jolies femmes de son service. En particulier Pascale Fontanelle, contre laquelle elle se déchaînait au moins une fois par semaine, à coups de notes rageuses qui s'empilaient sur le bureau de Laurent, ou d'engueulades dont il finissait toujours par avoir les échos. Arrêté au milieu du couloir, il se demanda ce qu'il était venu faire en pneumo. Apaiser les esprits ? Ce n'était pas son rôle. Il pouvait se contenter de diriger le CHU de Purpan du fond de son bureau. Il s'agissait avant tout d'un travail administratif, et pour les relations humaines, il disposait de collaborateurs. Non. La vraie raison de sa petite promenade dans ce service était l'envie pure et simple d'échanger quelques mots avec Pascale Fontanelle, qu'il apercevait trop rarement à son goût. Il l'avait croisée une fois dans l'un des halls, remarquant de nouveau à quel point elle était jolie. Puis la semaine suivante, l'avait vue passer devant ses fenêtres, décidément séduit par sa silhouette. Et enfin l'avait rencontrée sur le parking des médecins. Elle était en train de se battre avec la commande à distance de sa portière. L'alarme de sa Clio s'était déclenchée, alors il lui avait montré comment la neutraliser. En la regardant de près, deux choses l'avaient frappée. La finesse de son grain de peau et l'éclat de son sourire. Les jours suivants, il s'était surpris à y repenser. Deux infirmières le croisèrent avec un petit signe de tête, et il prit conscience qu'il devait avoir l'air bizarre planté là. De toute façon, il ne mélangeait jamais le travail et le plaisir. Pas question de draguer qui que ce soit dans cet hôpital. Sans compter que son copain Samuel Hoffman ne verrait pas forcément d'un bon œil une tentative de séduction envers son ex-femme, dont il n'était pas détaché à l'évidence. Pauvre Sam. « Bonjour, monsieur Villeneuve. » Clouée sur place, Laurent rendit machinalement son salut à Pascale. Elle sortait d'une salle d'examen, son stéthoscope autour du cou, sa blouse blanche ouverte sur un pull bleu ciel. « Quand viendrez-vous nous rejoindre à l'aéroclub, docteur Fontanelle ?»« Quand mon emploi du temps et mes moyens me le permettront, ce qui risque de prendre un bon moment. » Son sourire était décidément éblouissant. Il ne résista pas à l'envie de continuer à lui parler. « Vous vous êtes habitué au service ?»« Sans problème. Le professeur Clément n'est pas toujours commode, mais elle fait un travail extraordinaire. » Il n'y avait pas trace d'amertume ni d'ironie dans son propos, ce qu'il apprécia. « À propos de Nadine Clément, elle vous juge un peu prodigue dans vos demandes d'examen. Par exemple, un certain nombre de scanners inutiles, d'après la note qu'elle m'a adressée. Inutile ? Je l'ai prescrit si j'ai un doute, c'est normal. Elle m'en a déjà parlé et je croyais m'être justifiée. L'assistance publique cherche à faire des économies, vous savez bien, plaida-t-il. Pas sur le dos des patients. Son sourire avait disparu, elle le toisait, sourcils froncés, prête à défendre son point de vue. Il cherchait une réponse appropriée lorsqu'il aperçut Nadine Clément qui revenait. Eh bien, justement, marmonna-t-il pour avertir Pascale. « J'espère que vous nous ramenez le docteur Fontanelle à la raison, » lança Nadine en s'arrêtant à côté d'eux. « Avec elle, les dossiers des malades épaississent comme des annuaires. » Piqué au vif, Pascale se redressa et fit front. « Je n'ai rien demandé de superflu. Je pense savoir poser un diagnostic quand c'est possible. Si vous faites référence au consultant de ce matin, l'auscultation n'était pas significative et les radios ne révélaient pas grand-chose. Mais c'est un homme de 65 ans, gros fumeur depuis son adolescence, qui se plaint d'essoufflement et « Tiens donc !» ponctua Nadine en levant les yeux au ciel. Sans relever l'interruption, Pascale poursuivit. « J'ai ordonné une batterie complète d'examens, c'est vrai, pour voir à quel point l'emphysème a déjà atteint les poumons et de quelle façon nous pourrions le soulager. Pourquoi ne pas lui conseiller d'arrêter son tabagisme ? Railla Nadine. Parce qu'il n'y est pas décidé, tout simplement. Je veux savoir s'il existe une lésion, si... Bon sang ! Vous vous comportez comme une débutante. Il y a une consultation spéciale pour les fumeurs. Et ceux qui tiennent à creuser leur tombe eux-mêmes avec leur clope sont la plaie de mon service. En attendant, vous n'êtes pas une externe. Prenez vos responsabilités sans vous réfugier systématiquement derrière des résultats avant de risquer la moindre initiative. Elles avaient haussé le ton l'une comme l'autre et Laurent intervint. Je sais que la cigarette est votre bête noire, Nadine. Pourtant, vous verriez les horreurs que je traite ici à longueur d'année, vous seriez de mon avis. Quoi qu'il en soit, notre conversation ne porte pas sur les méfaits du tabac, mais sur les prescriptions exorbitantes du docteur Fontanelle. Quand vous n'êtes pas sûre de vous, ma petite, envoyez-moi le patient. J'ai beau avoir du travail par-dessus la tête, je trouverai bien 5 minutes pour réparer vos sottises. Elle ponctua sa dernière phrase d'un petit ricanement amer avant de les planter là. Pascal avait pâli de rage. Toutefois, elle ne s'autorisa aucun commentaire. Se bornant à un signe de tête un peu raide à l'intention de Laurent, elle s'éloigna vers le bureau des infirmières. Se faire remettre en place de cette manière devait être d'autant plus désagréable qu'elle n'avait rien à se reprocher. La nouvelle génération de médecins utilisait volontiers les scanners et autres moyens d'investigation, alors que les vieux patrons se fiaient à leur expérience. Éternelle confrontation des anciens et des jeunes. Il se décida à bouger, soudain pressé de regagner son bureau. Diriger un centre hospitalier comme Purpan n'était pas une sinécure. Lui aussi croulait sous le travail. Nadine Clément n'était pas la seule à se sentir débordée. Dans l'ascenseur qui le ramenait au rez-de-chaussée, il se prit à espérer que le conflit entre les deux femmes ne s'envenimerait pas. L'hostilité manifeste de Nadine semblait excessive, même en tenant compte de son fichu caractère. Dès qu'il avait été question d'engager Pascal, elle l'avait prise en horreur. Pourquoi ? Parce qu'elle était jeune, jolie, et venait d'un grand hôpital parisien ? Non. Il devait y avoir une autre raison. Rien qu'à la façon dont Nadine articulait « docteur Fontanelle » avec fureur et mépris, on devinait une sorte de haine. Si c'était le cas, la situation ne pourrait que se dégrader. Agacé par cette perspective, Laurent traversa le hall au pas de charge. Il n'entrait pas dans ses attributions de protéger Pascal. Il fallait absolument qu'il cesse d'y songer.